Bonjour. Hier, j'ai enregistré un audio. Je ne l'ai pas mis en ligne ce matin parce que j'hésitais un peu. Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo avant pour être clair. Parce que ce qu'il dit dans l'audio, si je parle ça quand je parle librement, ben ça veut dire que c'est pas plus intégré pour moi. Donc, il va pas falloir penser que c'est parce que c'est intégré, puis là, je me présente comme une autorité. Puis non, pas du tout. De toute façon, quand je parle librement, je considère que c'est pas moi qui parle. Pas dans le sens que c'est pas moi, mais dans le sens que c'est pas je. De toute façon, quand ça arrive que je vais faire des audios, je l'enregistre. Je l'enregistre parce que sinon, je m'en souviendrai pas. Je m'en souviendrai pas de cette instruction-là, entre guillemets, qui est pour moi. Mais en même temps, tant qu'à faire, bon, aussi bien la diffuser aussi. Puis là, bon, c'est l'été, puis je veux prendre un petit peu de temps pour jardiner. Puis aussi, bon, il y a des choses que je dois faire. Donc, ce matin, j'ai pris le temps d'aller répondre. Ça faisait un bout de temps, je ne l'avais pas fait, là, aux commentaires. Mais là, bon, je vais possiblement être un petit bout sans le faire encore. Là, ça va peut-être paraître, l'audio que je vais mettre, c'est pour ça que je fais une petite vidéo avant. Ça peut peut-être paraître prétentieux. Puis je vais dire, dedans, là, tout d'un coup, je parle le supramental. Mais c'est comme le supramental, pour en parler, on dirait que plus ça va, plus c'est devenu la chasse gardée des clics. Puis ça dérange. Ça dérange. C'est un peu comme quand un non-catholique se mettrait à parler du Saint-Esprit, là. Puis qui n'est pas dans la doxa, il n'est pas dans la doctrine. Il y a des catholiques qui vont faire hérétique. Hérétique. Mais là, je suis pas pour m'empêcher de parler. Puis quand je fais des audios comme ça, puis que ça parle vraiment librement, puis que si je l'enregistrais pas, j'aurais aucun souvenir, aucune mémoire de ce qui a été dit, je considère que c'est peut-être ce que je fais de mieux. Donc, je vais le mettre en ligne, puis je vais mettre aussi le titre qui convient. Le titre qui convient, c'est que le supramental, ça se décide pas. Donc, bon, ça va peut-être déplaire un peu, mais c'est ça pareil. OK? Puis là, c'est pas la peine de comme faire une analyse de ma personnalité psychologiquement, parce que tant qu'à moi, ça m'appartient pas, là, cet audio-là. Les audios. Puis même dans l'audio, des fois, ben, je l'ai réécouté un petit peu hier, puis des fois, je vais dire je. Mais c'est tout le temps au sens d'une observation du contexte de mon je. Dans le fond. Mais là, c'est là que ça devient. C'est pas que c'est complexe, c'est que c'est subtil. C'est subtil. Donc même quand je dis je, c'est pas je qui parle. Dans ces audios-là. Puis cet audio-là, ben, je trouve que ce serait dommage de le garder. Mais des fois, il y en a des audios, je me disais, je pourrais les accumuler, puis confier ça à des gens, comme ce qui a été fait, puis à un moment donné, ben, même que je ne sois plus là, ben, là, tout d'un coup, ça sera rendu public, puis j'aurais pas, en tant qu'ego psychologique, à être obligé d'assumer, puis à gérer les retours, puis les attaques par rapport à ça. Mais tant qu'à faire, aussi bien l'assumer, l'exercice, il faut l'assumer. Donc, après cette vidéo-ci, je vais mettre en ligne l'autre, l'audio. Puis oui, ça va s'appeler le supramental, ça se décide pas, parce que c'est de ça qui est question. Donc, c'est ça. Bonne journée.